La division est pire que la mort. Die Menschheit hat gerade die gefährlichste Passage ihrer völlig unfreien. Malgré elle, l'humanité est actuellement en train de franchir le passage le plus dangereux de son périple Covid. Ce danger s'appelle la division. La provocation de guerre civile à l'échelle mondiale n'a jamais été aussi grande qu'en ce moment. Les vaccinés contre les non-vaccinés et inversement. Si les digues cèdent, la dictature pharmaceutique actuelle se transformera du jour au lendemain en une dictature militaire mondiale, où toute liberté et toute normalité pour l'ensemble des êtres humains seront définitivement révolues. Il n'y a d'espoir que si les vaccinés et les non-vaccinés se serrent les coudes et résistent ensemble à leur agresseur commun. Essayez de comprendre ce qui suit. Les détracteurs de la vaccination Covid ou les opposants à la vaccination ne tombent pas du ciel. Ils s'opposent simplement au vaccin ARNm, parce qu'ils ont été mis très tôt en état d'alerte par des spécialistes réellement indépendants de l'industrie pharmaceutique. Ne condamnez donc jamais les anti-vaccins. Aimez-les au contraire pour cela. Ils ne voulaient que vous transmettre les connaissances alarmantes des plus grands spécialistes sur une expérience humaine dangereuse, voire mortelle. Mais ce sont justement ces médias mainstream qui ont refusé jusqu'à présent tout débat public et toute explication professionnelle sur ces dangers mis en évidence, qui dénigrent aujourd'hui tous les médias libres et les personnes qui cherchent à éclaircir la situation en les qualifiant d'ennemis de la démocratie. Jour après jour, heure après heure, ils ne font que diffuser le point de vue de Big Pharma, c'est-à-dire le contraire de ce que l'humanité devrait entendre. Et ce n'est pas étonnant, puisque les médias de masse sont tous tombés entre les mains de Big Pharma et du complexe financier numérique. On doit comprendre ça une fois pour toutes. Big Pharma et ses vassaux profitent de nos souffrances dans une mesure inimaginable. C'est pourquoi vous, les non-vaccinés, ne condamnez jamais les vaccinés. Ces derniers ne sont pas plus responsables que vous de cette situation. Ils ne veulent que votre sécurité et celle de votre vie. Ils veulent retrouver la normalité et leur liberté, et nous aussi. Nous devons donc nous serrer les coudes, vous comprenez? Il faut reconnaître d'où vient le véritable danger, tant contre les vaccinés que contre les non-vaccinés, et qui secoue le bocal. Vous avez certainement entendu parler de cette expérience qui a prouvé que les fourmis noires et rouges, que l'on présente toujours comme des ennemis, ne se battent pas vraiment entre elles si on ne les provoque pas. Bien qu'enfermées dans le même bocal, c'était l'expérience, les fourmis rouges et noires se laissaient mutuellement tranquilles jusqu'à ce que leur prison de verre soit secouée de l'extérieur par une main humaine. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles se jettent soudainement les unes sur les autres, commencent à se mordre, à s'entretuer. Pourquoi? Parce que chaque espèce, dans sa confusion, pensait que l'autre espèce représentait le danger. Nous devrions absolument tirer des leçons de cette expérience. Quelle que soit la personne qui nous dresse les uns contre les autres, qui secoue en quelque sorte le bocal du monde, soyons forts ensemble contre cette main qui nous secoue et ne perdons tout simplement pas notre sang-froid maintenant. Mais qui précisément secoue notre prison de verre? Moi, je prétends que c'est Big Pharma, par le biais des médias achetés et de ses politiciens complices. Malgré tout cela, il est impossible que les personnes critiques envers les vaccins ignorent imprudemment les avertissements qu'elles ont reçus. Comprenons-nous cela? Ces avertissements proviennent en effet de virologues, d'épidémiologistes, etc., de haut niveau et réellement indépendants. Face à une obligation de vaccination de plus en plus impitoyable, ces personnes averties ont le sentiment de devoir choisir entre une autodestruction volontaire ou une autodestruction forcée. Ne les condamnez pas pour cela. Ils n'y sont pour rien, tout comme vous. Il est évident qu'ils ne peuvent pas se soumettre à une expérience humaine qualifiée de folle, même sous la menace d'exclusion sociale, d'isolement ou même de boycott économique, etc. Impossible. Alors que les médias mainstream les stigmatisent de plus en plus comme un mal qui menace l'humanité, ils ne veulent tout simplement pas être gravement touchés ou même assassinés sournoisement. Voilà leur motif. L'augmentation du nombre de suicides qui va exactement de pair avec les durcissements du Covid indique d'ailleurs par sa croissance exponentielle qu'il doit y avoir quelque chose de pire que la mort. Et c'est quoi? Ce sont des représailles incessantes, absurdes et de plus en plus harcelantes d'une dictature mondiale pharmaceutique impitoyable. Chaque jour, les gouvernements inféodés à l'industrie pharmaceutique imposent au peuple des mesures encore plus sévères et plus contraignantes. En d'autres termes, il est aujourd'hui interdit d'être simplement malade. Être malade est devenu de facto un délit social, voire un crime. Tout comme le fait d'être en bonne santé sans être vacciné. Quelle folie s'est emparée de ce monde! Dans ce contexte, les dirigeants se livrent de plus en plus à des procédures spectaculaires, comme cela vient d'être le cas en Grèce. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Les Grecs de plus de 60 ans non vaccinés devront à l'avenir s'acquitter d'une amende de 100 euros en tant que contribution à la santé, payable mensuellement. Et tout le monde sait qu'une telle chose n'est pas possible avec les retraites minables. Qu'est-ce qui est attisé ici? Il n'est pas nécessaire d'être prophète pour prédire avec certitude qu'à partir de ce moment-là, le taux de suicide des Grecs de plus de 60 ans atteindra des sommets. On les pousse donc directement à la mort au nom de la sauvegarde de la vie. C'est un fait. Il est temps de faire preuve de lucidité et de reconnaître que les promoteurs de tout le plan de vaccination Covid ne se préoccupent jamais vraiment de sauver des vies. Et l'exemple de l'Afrique de l'Ouest est peut-être celui qui le montre le plus clairement en ce moment. Ces jours-ci, une nouvelle vague de panique a secoué le bocal du monde entier pour garder notre exemple. La raison en était cette fois-ci le virus de Marbourg, annoncé comme dangereux. La presse mondiale a titré, pour prendre un exemple tout proche, « En quoi l'agent pathogène est-il lié à l'Allemagne ?» La première personne a été infectée par le virus de Marbourg en Afrique de l'Ouest. Selon l'OMS, le virus a été détecté en Guinée. Das Virus ist laut WHO in Guinea nachgewiesen worden. Zitat Ende. Et cela, comprenez bien, à cause d'un seul cas de Marbourg dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le virus de Marbourg est connu depuis les années 60. Ce qui n'a jamais vraiment ému le monde jusqu'à présent. Pourquoi donc? Réfléchissez bien, s'il vous plaît. L'Afrique de l'Ouest compte plus de 300 millions d'habitants sur une superficie d'environ un tiers plus grande que l'Europe. Si nous considérons un petit échantillon de décès annuels normaux, nous ne pouvons que nous rendre compte de l'ampleur de la supercherie qui se joue ici. D'une part, l'Afrique de l'Ouest a longtemps été connue comme le tombeau de l'homme blanc. Westafrika war zum einen über längste Zeit bekannt als, ich sag mal, Grab des weißen Mannes. Au XVIIIe siècle, jusqu'à 75% des nouveaux arrivants européens mouraient régulièrement dans l'année qui suivait leur arrivée de maladies tropicales comme la malaria, la fièvre jaune ou la maladie du sommeil. Aujourd'hui, ce chiffre est probablement encore d'environ 10%. Mais voici maintenant les chiffres comparatifs de la récente panique provoquée par le premier cas du virus Marbourg en Afrique de l'Ouest. En 2019 encore, il était tout à fait normal qu'au moins 228 000 personnes y meurent de la malaria, alors que dans toute l'Afrique, on comptait alors 386 000 morts. Et depuis toujours, il n'y a pas eu de grand cri d'alarme. Mais maintenant qu'une seule personne sur 300 millions est atteinte du virus Marbourg, le monde entier est placé en alerte rouge et il faudrait encore enquêter là-dessus pour voir s'il ne s'agissait pas seulement d'un test positif. On retrouve un seul et même schéma dans l'article de la NZZ du 30 novembre 2021, où la panique a été attisée par les lignes suivantes. Les cantons de Suisse de l'Est renforcent les mesures. L'Office fédéral de la santé publique a confirmé 3 cas d'Omicron. C'est pourquoi il a été dit ensuite que le Conseil fédéral se réunit pour une réunion de crise Omicron. La Suisse compte actuellement près de 9 millions d'habitants et 3 d'entre eux seulement présentent une nouvelle variante du Covid. Et les mesures cantonales de durcissement battent déjà leur plein. S'il y avait quelque chose de bienveillant dans cette réaction, il faudrait parler d'une mère malade, extrêmement perturbée psychologiquement, qui court sans cesse après son enfant pour le protéger de tout danger, même minime. Vous comprenez? Et c'est exactement cela. C'est une réaction de malade. Cela concerne des peuples entiers. Mais revenons à l'Afrique de l'Ouest. Le monde entier s'écroule à cause d'un seul cas de Marbourg, mais en aucun cas à cause de leurs 44 000 morts de faim par an, ce qui serait déjà pas mal, ou de leurs 20 000 personnes qui se suicident chaque année à cause de la souffrance, du désespoir et de la misère. Les statistiques les plus récentes sur l'Afrique de l'Ouest ne sont pas disponibles pour le moment. Ce n'est probablement pas non plus un hasard. Mais faites vos propres recherches et vous verrez que tous ces chiffres vont augmenter de manière drastique en fonction des restrictions croissantes. Si nos sauveurs du monde avaient vraiment pour objectif de sauver des vies humaines, ils auraient, depuis des décennies, toutes les occasions possibles et imaginables de le faire en Afrique. Mais ce sont les mêmes grands groupes qui, pour maximiser leurs profits, ne cessent d'alimenter la pandémie actuelle de Covid. Cela même que le célèbre sociologue Jean Ziegler a inlassablement dénoncé dans les analyses suivantes. Je cite Jean Ziegler. Il y a suffisamment de nourriture dans toute l'Afrique. Les seuls responsables de la famine sont les États riches et les grands spéculateurs impitoyables. Fin de citation. Mais ce qui a toujours fonctionné de manière ininterrompue et sans faille du sud au nord de l'Afrique, il faut le dire, ce sont les programmes de vaccination. Ainsi, des poisons vaccinaux coûteux, au lieu d'une eau propre bon marché et d'une aide à l'auto-assistance, ce serait facile pour 1 milliard de personnes. Et maintenant, le monde entier doit s'attendre à une nouvelle quarantaine et à des mesures de confinement renforcées, car un seul cas de ce qu'on appelle le virus de Marbourg a été découvert dans le même pays où tout cela se passe. Nous n'avons touché ici que la pointe de l'iceberg de tous ces décès. Je ne sais pas, chers amis, ce qu'il faut encore comme exemple délirant pour que nous nous réveillions enfin de notre hypnose, pour que nous puissions, en tant que population mondiale maltraitée et trompée, résister ensemble contre le seul ennemi de l'homme, qui nous exploite ici et nous dresse constamment les uns contre les autres. S'il vous plaît, réveillez-vous de tout sommeil profond de confiance aveugle et réveillez tout votre entourage avec de telles informations. Pour conclure cette analyse, nous nous posons la question peut-être la plus grave. Pourquoi une telle panique pour 3 cas d'Omicron en Suisse et 1 cas de Marbourg en Afrique de l'Ouest? La question est, pourquoi? Certains éléments laissent malheureusement penser que le virus de Marbourg et la nouvelle variante d'Omicron pourraient être utilisés pour dissimuler précisément les dommages causés par la vaccination et ses suites, mais aussi pour maintenir les mesures restrictives. C'est très pratique. N'oublions jamais une chose. Avant le début de la vaccination Covid, seule une infime minorité d'entre nous connaissait ne serait-ce qu'une seule personne gravement touchée. Depuis le début de la vaccination, en revanche, presque chacun d'entre nous connaît un grand nombre de personnes légèrement, moyennement, ou même gravement atteintes. Est-ce que c'est bien comme ça? Mais cela n'a rien d'étonnant quand les gens ont été privés d'oxygène vital pendant des mois, voire des années, par l'obligation de porter un masque, de sorte qu'ils ont dû respirer en permanence leur propre CO2. Nous avons été avertis très sérieusement et très tôt que cela affaiblirait considérablement notre système immunitaire et nous rendrait soudainement vulnérables à toutes sortes de germes que nous aurions pu surmonter relativement facilement. Mais maintenant, il faut encore exprimer le pire des soupçons, malheureusement. C'est que le virus de Marbourg est d'ores et déjà tenu pour responsable de la dissimulation d'innombrables décès dus au percé vaccinal. Mais je dis que ce ne serait que la première étape de la culpabilisation. La deuxième étape toucherait d'autant plus impitoyablement toutes les personnes non vaccinées. Notez-le bien, et ce, jusqu'à ce que la surveillance totale numérique soit imposée dans le monde entier. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a abordé le sujet lors d'une conférence de presse à Genève, en indiquant que le virus de Marbourg était, je cite, « très différent du virus à l'origine du Covid-19 ». Fin de citation. Mais ensuite, il est mentionné que de nombreux éléments de la réponse sont restés les mêmes, comme l'isolement et le traitement des personnes infectées, ou le suivi et la mise en quarantaine des cas contacts et l'implication des communautés locales. En un mot, j'appelle ça le système Stasi. Malheureusement, le chef de l'OMS n'était pas le seul à spéculer sur une éventuelle prochaine pandémie avec Marbourg. L'infâme Gavi, du pseudo-philanthrope Bill Gates, a également écrit, le 22 avril 2021, un article au titre sinistre. Je cite, « La prochaine pandémie, Marbourg ?» Mais nous avons encore en mémoire tous les cris d'alarme lancés par les virologues, épidémiologistes, médecins spécialisés, biochimistes, etc., les plus éminents, et tous étaient vraiment indépendants de l'industrie pharmaceutique. Ils nous ont mis en garde contre les effets secondaires et les conséquences tardives des vaccins anti-Covid, qui entraîneraient précisément des hémorragies de toutes sortes. Nous l'avons abondamment diffusé, comme il se présente maintenant dans ces prétendus nouveaux variants. C'est exactement ce qu'ils ont prédit. Si cela faisait l'objet d'une enquête approfondie et d'une publication publique, cela signifierait pour nous, dans le meilleur des cas, que tout le crime de l'ARNM a été démantelé. Mais que se passe-t-il si les véritables responsables de ces dégâts incommensurables veulent à tout prix cacher et dissimuler que ce sont eux les responsables et qu'ils attribuent donc ces hémorragies généralisées aux nouveaux variants du virus? Et qu'adviendra-t-il ensuite? Les meilleurs spécialistes ont justement mis en garde contre le fait que les mutants ne se déclencheraient qu'à partir du début de la vaccination. Ils ont averti à voix haute, vraiment à voix haute, que des microthromboses, c'est-à-dire des petits caillots de sang, se formeraient dans nos têtes, dans nos organes, dans nos membres, etc. De plus, ces spécialistes systématiquement réprimés par le mainstream ont rapidement mis en garde contre les effets encore plus terribles des rappels incessants de vaccins Covid. À l'époque, on ne savait même pas qu'il y en aurait d'autres. Procureur, prenez ces choses en main. Il s'agit ici de la vie de peuples entiers, si ce dont on témoigne ici est vrai. Vous trouverez d'ailleurs quelques citations de ces spécialistes en fin d'émission. Les plus hauts responsables de ces professeurs ont fini par parler désespérément de génocide, car les vaccins auraient renforcé des épidémies sans commune mesure. Ils ont mis en garde contre cela. Or, c'est précisément ce scénario qui se déroule indéniablement sous nos yeux, précisément depuis le début de la vaccination. Il n'y a pas de réel progrès dans la guérison, bien au contraire. Depuis le début de la vaccination, le nombre de décès a explosé. C'est pourquoi j'ai moi aussi appelé très tôt à suivre de près le nombre de décès avant et après le début de la vaccination Covid et à les présenter publiquement. Aidez-nous tous à le faire maintenant de manière encore plus approfondie. Alimentez Vetopedia avec ces données ou trouvez vos propres moyens. L'essentiel est que toute la vérité sur cette tragédie soit enfin révélée. Une autre information importante doit être mentionnée dans ce contexte. La seule chose qui se passe jusqu'à présent dans ce domaine, c'est malheureusement plus intense chaque jour, une chasse aux sorcières et un procès des personnes en bonne santé et des non-vaccinés. Toute cette chasse aux sorcières, comme je l'appelle, est toujours menée par les médias du mainstream. Et il est prouvé que ces derniers sont les vassaux de Big Pharma et du complexe financier numérique. Toute leur traque est dirigée contre les non-vaccinés. Mais tous les vaccinés sont également punis de manière ciblée. Et je dis que seules des guerres civiles à l'échelle mondiale leur permettraient encore de dissimuler, de couvrir et de cacher ce plus grand crime de tous les temps. Assumons donc maintenant notre responsabilité commune, les vaccinés et les non-vaccinés, les deux ensemble. Au lieu de nous dresser les uns contre les autres, de nous haïr et de nous condamner mutuellement, mettons ensemble en lumière les véritables responsables. Mettons-les sous les feux des projecteurs. En imposant ensemble un dialogue ouvert à l'échelle mondiale, voire une enquête publique mondiale, les voix réprimées doivent absolument être présentées aux lanceurs d'alerte les plus haut placés. Nous devons l'imposer, il n'y a pas d'autre moyen. Nous ne pouvons rien faire de plus démocratique pour le moment. Et voilà que les choses se corsent. En effet, la société Primer Design prétend avoir développé dès 2018 un test PCR contre la fièvre de Marbourg hémorragique, c'est-à-dire qui provoque des saignements. Il se trouve qu'au même moment, le géant pharmaceutique Soligenix se dépêche de tester de la même manière le vaccin contre la fièvre de Marbourg qui provoque des hémorragies. N'est-ce pas intéressant? Et à quel point est-ce fou? Dites-moi, qui au monde investirait des sommes colossales dans la recherche pour développer un test PCR aussi spécifique, alors que cette nouvelle mutation du virus de Marbourg n'apparaîtra pour la première fois que des années plus tard? Pourtant, comme nous venons de le voir, les géants de l'industrie pharmaceutique s'affrontent comme dans un stade de course dès l'apparition du premier cas de Marbourg. Pouvez-vous le reconnaître? Des coïncidences? Et puis les choses se corsent encore. Il se trouve en effet que les actionnaires de Soligenix sont comme par hasard à nouveau BlackRock, Goldman Sachs et consorts. Inutile d'en citer toute la liste. Oui, vous avez bien entendu, ils sont à nouveau en première ligne dans le développement du vaccin. Un journaliste d'investigation italien a déclaré à ce sujet, je cite, « Peut-être que quelqu'un pense déjà à la prochaine pandémie pour maintenir les esclaves dans un état d'urgence sanitaire permanent, ou même à rendre le virus de Marbourg responsable des décès qui sont plutôt causés par les effets secondaires des vaccins anti-Covid, les microthromboses et les microcaillots de sang, des effets qui grandissent et s'amplifient par des rappels constants de la vaccination, ou les deux à la fois ?» Fin de citation. Si c'était le cas, toute cette problématique ne serait rien d'autre qu'une attaque biologique déguisée, disons une attaque de grande envergure contre l'humanité entière. Procureur, prenez ces choses en main, c'est votre devoir. N'oublions pas non plus qu'il a été suffisamment démontré que certains distributeurs de substances expérimentales à base d'ARNm ont plaidé pour que la population mondiale soit fortement réduite. Qu'est-ce que c'est? Les mêmes personnes ont également été chassées d'Afrique et de l'Inde, je ne sais pas d'où encore, lorsqu'on a découvert qu'ils stérilisaient secrètement les femmes en masse avec leurs vaccins, qu'ils rendaient les gens stériles et qu'ils laissaient des centaines de milliers de leurs citoyens gravement estropiés, et bien d'autres choses encore. CLA TV en a déjà parlé. CLA TV, wir haben darüber berichtet. Mais inexplicablement, c'est précisément contre ces bandits que la justice échoue systématiquement, toujours. On a déjà pu découvrir leurs mensonges dans le cas du sida, de la grippe porcine, de la grippe aviaire, du SRAS, etc. et les condamner pour une gigantesque escroquerie mondiale, mais en fin de compte, il ne s'est pour ainsi dire rien passé. On a bien imposé des amendes de plusieurs milliards à différents géants de l'industrie pharmaceutique, mais on les a ensuite laissés continuer. Vous comprenez? Comment est-ce possible? Et qu'est-ce que c'est que quelques milliards pour une amende quand on a déjà gagné quelques trillions? C'est juste comme une petite amende de parking pour un riche directeur de banque. Mais si un meurtrier ou un violeur d'enfants issu du peuple est attrapé, je vous le dis, il est hors jeu pour le reste de sa vie. Conclusion. On ne quitte plus les gens des yeux. Mais parce qu'on n'a jamais vraiment réglé les comptes avec ces monstres de la vaccination, ils ont pu instaurer derrière notre dos crédule une dictature pharmaceutique mondiale, avec laquelle ils terrorisent, asservissent et enferment toute la population mondiale, à tel point que des foules entières de tous âges trouvent cela pire que la mort et mettent fin à leur vie rapidement, comme cela arrive tout le temps. Und ihrem Leben kurzerhand ein Ende setzen. Ja. Das ist ständig passiert. Tout observateur, même moyen, doit sentir que ces géants de la pharmacie négocient déjà les revenus de la prochaine pandémie tant annoncée. Ils sont déjà à nouveau en pleine course. Toutefois, les peuples asservis qui doivent être maintenus en état d'urgence sanitaire permanent au nom de ces revenus exorbitants font partie intégrante de cette compétition. Tel est notre terrible sort. En bref, vaccinés et non vaccinés, levons-nous ensemble contre le véritable agresseur et destructeur de nos libertés et de nos droits humains. Insistons ensemble, sans relâche, pour qu'un discours public soit enfin autorisé. Il nous est refusé jusqu'à présent. Nous devons permettre à toutes ces personnes compétentes et réellement indépendantes de l'industrie pharmaceutique de se faire entendre. Nous devons imposer cela pour que ce chaos qui menace notre existence mondiale puisse prendre une fin absolue. Une dernière chose. S'il vous plaît, gardez toujours à l'esprit face à qui nous devons être unis. Ce sont des alliances faussement prophétiques. Elles vont d'une fausse prophétie à une autre. Ce qu'elles disent se réalise à l'inverse. Ouvrez donc les yeux. Au début, il disait qu'il n'y avait pas besoin de masque, et maintenant il nous impose un masque. Ce sont ces mêmes personnes qui ont menti au peuple en lui disant qu'il suffisait d'une petite piqûre pour mettre fin à l'affaire et obtenir l'immunité collective, que les personnes non vaccinées ne seraient pas désavantagées, et ainsi de suite. Et c'est toujours le contraire qui s'est produit. Ce sont de faux prophètes qui séduisent le monde entier. Ce sont les mêmes personnes qui modifient constamment les règles de sécurité de manière si absurde qu'un gros livre ne suffirait pas à les décrire. Ce sont ces mêmes personnes qui veulent non seulement contraindre les non-vaccinés à leur contrôle total, mais aussi le monde entier. Et pour atteindre cet objectif de domination, aucun moyen de division n'est vraiment trop mauvais pour eux. Mais nous avons compris la supercherie. Nous sommes et restons donc unis. Nous ne permettons aucune division. Nous luttons sans relâche contre cette main cachée qui secoue et agite le bocal du monde pour nous dresser les uns contre les autres. Mais nous n'y participons pas. Nous diffusons ce savoir jusqu'aux extrémités de la Terre. Nous tenons bon et, sur ce chemin de l'unité indissociable, nous finirons par vaincre. Il n'en est pas autrement. Je suis Ivo Sasek, qui se tient devant Dieu depuis 44 ans.